tandis que d'autres restent là, à l'horizon, un long voyage, une délivrance ou un naufrage. Où vont les gens quand ils s'en vont au firmament? Des illusions et avec eux aucun bagage, tout juste prêt pour le voyage. Partir, ne pas garder les pieds sur terre. Partir, se consumer dans l'univers. Partir un jour sans plus rien dire et s'éclipser dans un sourire. Prendre la voie qui va plus haut, partir sans armes ni drapeau. Laisser au monde un message, tenez-vous prêt pour le voyage. Rendez-vous dans un autre temps, à l'autre bout du firmament. Pleurer d'amour pour ceux qu'on aime, et dans mes yeux roule ma peine. Pleurer d'amour pour ceux qui manquent, je suis en manque. Se consumer dans l'univers. Partir, plus jamais revenir sur ou à midi. Partir pour où? Faire quel espoir? Partir grandir et recevoir. Où est-ce qu'on va quand on s'en va? Moi je suis celui qui reste là, à l'horizon d'un grand voyage, entre beauté et outrage. Ne plus jamais revenir sur terre. Se consumer dans l'univers. Où est le ciel? Où est l'enfer? Peut-être que l'on pense à l'envers. Où est-ce qu'on va? Se recomposer le néant. Partir un jour bien ordinaire, lâcher tout et se laisser faire. Partir avec les anges là-haut, enfin s'offrir un long repos. Partir ailleurs, laisser la terre grand minuscule dans l'univers. Partir au loin, vers d'autres sphères, plus de limites, sommet l'enfer. Partir, ne plus ranger les pieds sur terre. Partir, se consumer dans l'univers. Partir, plus jamais revenir sur terre. We'll be right back.